Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une émission importante que nous propose Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Mardi prochain, le 24 janvier, on va célébrer comme tous les ans à l'échelle mondiale les victimes de la Shoah. Pour la circonstance, Arte propose une soirée spéciale dont nous allons reparler et va diffuser notamment un documentaire intitulé « Sauver Auschwitz ». Sa productrice est avec nous dans ce studio. Et en sa compagnie, nous verrons ce qu'est devenu le camp d'Auschwitz en Pologne et nous évoquerons les problèmes et les questions que pose son entretien et que pose sa visite. Vous êtes aussi en compagnie d'Annette Wiewiórka. Et oui, nos auditeurs connaissent bien Annette Wiewiórka, auteur notamment il y a une douzaine d'années de Auschwitz 60 ans après. Elle ne sera pas de trop pour nous aider à y voir clair dans ces questions de mémoire. Et vous allez voir que il n'est pas si évident de savoir quoi faire aujourd'hui des anciens camps de concentration et des anciens camps de la mort. Et pour commencer l'émission, vous avez décidé de nous raconter le destin d'un jeune Hongrois qui un jour deviendra prix Nobel de littérature. Oui, Imre Kertész nous a quittés l'année dernière, en mars, à l'âge de 86 ans. Or, non seulement il avait vécu très longtemps après, il avait survécu au camp, mais il a témoigné pour tous ceux qui n'ont pas pu le faire. Kertész a même accepté en 2003 de devenir membre de l'Académie des Arts de Berlin. Je vous propose de revivre maintenant sa descente aux enfers alors qu'il n'était qu'un garçon de 14 ans. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Le 10 décembre 2002 à Stockholm, l'écrivain hongrois Imre Kertész prononce son discours de réception du prix Nobel de littérature. À 73 ans à l'époque, ce rescapé d'Auschwitz est une exception. Assez rares en effet sont ceux qui ont survécu au camp. De grands écrivains, bien sûr, Paul Celan, Primo Levi, Jean Améry, Tadeusz Borowski. Même parmi ceux qui ont survécu, beaucoup se sont donné la mort par la suite. Imre Kertész, lui, a fait le pari de la vie. Il a choisi cette vie de la boire jusqu'à la dernière goutte, écrit-il. Il n'est pas simple d'être une exception, dira-t-il devant le comité Nobel. Et si le sort a fait de nous des exceptions, il faut se résigner à l'ordre absurde du hasard qui, pareil aux caprices d'un peloton d'exécution, règne sur nos vies soumises à des puissances inhumaines et à de terribles dictatures. Je suis mort une fois pour pouvoir continuer à vivre et c'est peut-être là ma véritable histoire. Je suis mort une fois pour pouvoir continuer à vivre. Alors qu'est-ce qui a permis en 1945 au jeune Imre Kertész, qui n'avait à l'époque que 15 ans, de survivre au camp de la mort? Est-ce que c'est un enchaînement, une combinaison d'événements mêlant le hasard, le courage, l'instinct de survie, une part de chance? Son destin, ou plutôt son absence de destin, vous comprendrez pourquoi je dis ça, Imre Kertész l'a raconté dans un chef-d'œuvre qu'il a mis plus de 12-13 ans à coucher sur le papier et qui justement, publié en 1975 en Hongrie, qui justement s'appelle « Être sans destin ». Imre Kertész est né dans une famille modeste, une famille juive de Budapest, le 9 novembre 1929, en Hongrie, donc bien sûr à Budapest. Son père, Laszlo, est marchand de bois. Sa mère, Aranka Jakab, est employée. Son enfance, on peut dire, est une enfance assez simple. Elle est loin d'être malheureuse, même si en 1934, ses parents divorcent. Il est tout petit à l'époque, c'est encore un petit garçon de 5 ans. Imre va habiter chez son père, qui se remarie. Le jeune homme, le petit garçon devrais-je dire, n'a pas de conscience évidemment particulière du fait d'être juif. Dans la famille Kertész, il parlera longuement de tout ça. On n'est pas vraiment pratiquant. Certes, ses grands-parents allument les bougies le vendredi soir pour Shabbat, mais ils ont changé leur nom pour lui donner une consonance hongroise et ils se sentent avant tout hongrois. Ce n'est que lorsqu'il est confronté pour la première fois aux fameuses lois antisémites de la Hongrie, qu'Imre va se rendre compte de sa judéité. À l'internat, dans son école, par exemple, il peut y avoir que 6% de juifs et il y a une classe entière, la classe B, qui est réservée aux juifs. En février 44, donc vous voyez, et vous verrez pourquoi je vais si vite dans la Seconde Guerre mondiale, c'est que le cas de la Hongrie est un peu particulier. En février 44, Imre a 14 ans. C'est un jeune garçon vif, joyeux, blagueur, aux yeux pétillants. Son corps d'adolescent est en pleine transformation. On devine déjà le futur jeune homme svelte et athlétique qu'il s'apprête à devenir. Et exceptionnellement, en ce jour d'hiver 1944, qui est un jour au climat très doux, Imre est dispensé d'aller à l'école parce que son père a été réquisitionné pour le service du travail obligatoire. Ce jour-là, toute la famille s'est réunie pour faire ses adieux à Laszlo Kertész. Vous imaginez l'émotion, l'incompréhension, bien sûr. Chacun y va de son analyse de la situation. Et beaucoup plus tard, celui qui sera devenu un écrivain racontera la scène dans « Être sans destin ». Un de ses oncles affirme détenir des informations qu'il tient de sources sûres. Il dit qu'il faut s'attendre à des changements radicaux dans la situation des Juifs en Hongrie, que tout cela n'est qu'un bluff spectaculaire. Un autre de ses oncles prend l'adolescent à part en lui disant que ce jour marque un tournant dans sa vie, que désormais la période heureuse de son existence prend fin. Vous imaginez ce qu'on raconte à ce jeune garçon de 14 ans. Le 19 mars 1944, donc près de 2 mois après qu'il a fait ses adieux à son père, il voit sa ville, Budapest, envahie par les Allemands. Imre vit cette occupation comme une catastrophe, non pas tant parce qu'il a conscience de la gravité de l'événement, mais plutôt parce qu'il a acheté 2 places pour un très grand match de foot qui devait justement avoir lieu le samedi suivant entre les 2 meilleurs clubs hongrois et qu'en raison de l'occupation allemande, et le match est annulé. Je vous donne cette petite anecdote pour vous donner une idée de son tempérament, de cette espèce de joie de vivre très insouciante qui est la sienne à l'époque. Alors, à partir d'avril 44, lui aussi est astreint au travail. Il va être envoyé dans une raffinerie de pétrole Shell sur l'île Csepel. La raffinerie est bombardée. Eh bien, il faut maintenant la remettre en état, ça va être sa tâche. Et c'est un travail qu'il prend bien, une fois de plus. Il prend tout bien, ce jeune Imre. Il s'est fait toute une bande de copains, il se plaît un peu dans cette vie de maçon, il faut bien le dire, d'apprenti maçon, devrais-je dire. Un jour de juin 44, alors qu'il se rend, comme d'habitude, de bon matin au travail, l'autobus qui doit l'emmener à la raffinerie est stoppé par des policiers qui ordonnent aux Juifs qui se trouvent à l'intérieur de descendre. Alors, Imre se dit que c'est un simple contrôle routier, il descend du bus, il tend sa carte d'identité au policier. Seulement déjà, ce policier a fait signe au bus de repartir. Imre est emmené avec les autres garçons de son âge au poste de douane. L'attente est longue, au milieu de centaines de personnes. Et là, il y a des gens de tous ordres, des jeunes et des vieux réunis par une seule et unique caractéristique, le fait qu'ils soient juifs. L'ambiance et néanmoins, entre les ados qui sont là, l'ambiance est plutôt à la rigolade. Enfin, c'est ce que nous racontera Imre, qui n'a encore une fois aucune idée de ce qui l'attend. J'avais un peu envie de rire, d'une part, à cause de l'étonnement et de mon embarras, à cause de cette impression que j'avais d'être tombé soudain au beau milieu d'une pièce de théâtre insensée où je ne connaissais pas très bien mon rôle. Et d'autre part, à cause d'une pensée fugace qui n'a fait que passer dans mon imagination la tête de ma belle-mère quand elle allait se rendre compte qu'elle m'attendait en vain pour dîner. Un extrait de la bande originale du film La liste de Schindler, une musique réalisée par John Williams. Restez avec nous sur Europe 1 cet après-midi. Franck Ferrand vous raconte l'histoire de ce jeune homme de 14 ans, déporté en 1944 et devenu plus tard prix Nobel de littérature. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, vous nous racontez, Franck, la vie d'un grand écrivain hongrois, prix Nobel de littérature, Imre Kertész. Alors nous retraçons aujourd'hui ce destin. À l'âge de 14 ans, en juin 44, vous venez de nous le raconter, il est arrêté par la police hongroise, il ne sait pas ce qui va lui arriver. La raison de cette arrestation, il est juif. Est-ce que l'antisémitisme est profondément et historiquement ancré en Hongrie ? Sans doute, on en parlera tout à l'heure avec Annette Wiewiórka. Ce qui est certain, c'est que le rapport de la Hongrie aux juifs nationaux est assez ambivalent. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a eu un véritable âge d'or, on peut dire, pour les juifs hongrois qui se sont bien intégrés à la société. Et puis, il y a cette rupture du lendemain de la Première Guerre mondiale, au moment où le traité de Trianon est signé, 4 juin 1920, l'Empire austro-hongrois est démantelé et vous savez que c'est le conservateur, et quand je dis conservateur, ultra-conservateur, Miklós Horthy, qui va prendre les rênes du pays. Et c'est là qu'apparaissent les premières lois anti-juives, dès 1920 d'ailleurs, avec l'adoption de ce fameux numerus clausus dans les universités, dont je disais tout à l'heure un mot. Par la suite va naître en 1935 le parti des croix fléchées, sur le modèle direct du parti nazi allemand, qui d'ailleurs, sous certains aspects, était même encore plus virulent que le parti nazi. Et jusqu'en 1944, les juifs hongrois néanmoins sont épargnés par la politique d'extermination. On verra pourquoi tout à l'heure, c'est assez étonnant. Et puis arrivent donc les Allemands en mars 44, et ça s'accompagne d'une des plus grandes vagues d'extermination. Nous avions eu l'occasion de parler de ça, vous savez, au moment où nous avions fait cette émission spéciale sur les réfugiés de Budalidzset, à côté dans la banlieue de Budapest, et sur l'expérience mystique des dialogues avec l'ange. Alors, revenons à ce 1er juillet 1944, par un temps d'été splendide, le jeune Imre Kertész est donc placé dans un... jeté, dans un wagon à bestiaux bondés, rempli d'hommes, de femmes de tout âge. Il y a là des vieillards dans un état incroyable, des enfants. Ils savent qu'ils sont là parce qu'ils sont juifs, mais honnêtement, ils n'en savent guère plus. Certains se méfient, d'autres sont plus confiants. Après tout, ce voyage est peut-être tout simplement une occasion de voir le monde, note notre jeune homme qui est décidément très innocent. Le voyage, plusieurs jours durant, a lieu dans des conditions atroces. Vous connaissez ça évidemment, on l'a si souvent raconté, mais jamais manqué l'occasion de le dire et de le rappeler. Voyage sans eau notamment, c'est un des aspects. Le train finit donc par s'arrêter. Imre parvient à voir par une ouverture une inscription qui est nimbée d'une magnifique couleur rouge parce qu'on est à l'aube au petit matin. Cette inscription, c'est Auschwitz-Birkenau. Les portes des wagons sont ouvertes violemment dans les cris, les aboiements des chiens. Et à la descente du train, tout va très vite. Dans le désordre, une véritable précipitation, on crée des files. Les hommes sont séparés des femmes. Il faut imaginer les couples qu'on sépare, ces familles qu'on sépare et qui hurlent de douleur, d'une douleur morale cette fois. L'adolescent voit pour la première fois de sa vie des Allemands en uniforme tenant à la main des cravaches, mais aussi des prisonniers en tenue rayée. Certains détenus s'approchent et lui murmurent des phrases en yiddish. « Zeitzin, Zeitzin, Fichtizdi !» Et ça veut dire, donc dans ce yiddish, 16, est-ce que tu comprends ? Et évidemment, Kimré a du mal à comprendre, mais il saisit néanmoins qu'on lui conseille de dire qu'il a 16 ans, et non pas 14. File de droite, file de gauche, Imre ne le sait pas, mais là, c'est vraiment la vie ou la mort. Et bientôt, c'est son tour. Il arrive donc face à un médecin, il bombe le torse pour se vieillir. « Quel âge tu as ?» lui demande le médecin, et un instant seulement d'hésitation. « 16 ans, dit-il. » Très bien, il est envoyé parmi les hommes aptes au travail. Il aurait répondu 14, son histoire s'arrêterait là. Alors c'est le temps des douches, crâne rasé, désinfection, distribution de tenues de prisonniers. On lui tend une chemise et un pantalon rayé trop grand pour lui. Et dans la précipitation, il peut juste attraper comme ça son pantalon, il fait un nœud, il trouve des chaussures à peu près à sa taille et il apprend que certains détenus, seulement à ce moment-là, il apprend que certains sont là depuis des mois, voire des années. Il découvre également, par quelques mots échangés avec les autres prisonniers, qu'Auschwitz est bel et bien un Vernichtungslager, c'est-à-dire un camp d'extermination, alors qu'il existe aussi des Arbeitslager, c'est-à-dire des camps de travail où la vie est un petit peu moins affreuse. Les plus anciens détenus vont lui apprendre les règles de base. Ne pas s'approcher des fils barbelés, des fils électriques, sous peine d'être fusillé sur le champ. Ne jamais dire qu'on est malade, sous peine d'être envoyé du côté de ces maisons à grandes cheminées dont sort une odeur nauséabonde. Imre apprend bien vite qu'il s'agit non pas d'une tannerie comme il l'a pensé au tout départ, mais d'un crématorium. Déjà, une partie de ses compagnons de voyage, ceux qui, quelques heures plus tôt, avaient été envoyés dans la file des non-aptes, des inaptes, devrais-je dire, une partie a été gazée avant d'être brûlée dans ces fours terribles. Mais ça, bien entendu, Imre ne le comprend pas encore. Il est encore loin de comprendre tout ça, bien sûr. Il ne le découvrira que peu à peu. Ce qu'il écrira, c'est que dans un premier temps, il a surtout l'impression d'être dans cette vaste mise en scène. Il le dit lui-même, la grande blague absurde continue. Et il se dit qu'elle devrait bien finir par prendre fin, tôt ou tard. En attendant, ce qu'il découvre, c'est un quotidien abject où le froid, la faim, les maladies, le travail forcé, la mort finiraient par devenir habituels. Dans l'univers concentrationnaire, l'adolescent va peu à peu être anéanti. Sa personnalité qui était en cours de formation, cette personnalité ne peut pas éclore, évidemment. Les journées sont interminables à Auschwitz, ponctuées par des repas, si l'on peut dire, très maigres. Ça fait 4 jours qu'Imre est à Auschwitz quand on lui indique qu'il va être transféré dans un autre camp. Et le voilà de nouveau dans un wagon à bestiaux et ballotté de nouveau dans les pires conditions. Puis au terme de plusieurs jours de cet enfer, il descend à Buchenwald, qu'on a pris l'habitude d'appeler Buchenwald en France. Alors là, on va coudre sur son solide uniforme un triangle avec un U, un OU qui désigne les Hongrois, et un numéro 64-921. 64-921, ça, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut plus jamais oublier. L'adolescent va être placé dans un camp annexe, celui de Zeitz. Il devient un des 250 occupants du bloc numéro 5. Et très vite, il va se lier d'amitié avec un autre détenu du bloc 5, un garçon plus âgé du nom de Bandi Citrom, qui va le prendre sous son aile. Et chaque jour, Imre et les autres détenus de son bloc vont être mis au travail. Travail dur, hein. Leur tâche consiste à décharger des wagons de gravier gris, c'est un travail très rude. Un jour, le garçon trébuche, fait tomber un sac, immédiatement il est roué de coups, et à mesure que passent les jours, Imre va trouver un certain nombre, j'allais dire d'accommodements, est-ce que le mot est bien choisi, des ruses, si vous voulez, pour s'octroyer des tout petits moments de répit, charger sa pelle un petit peu moins, s'arrêter quelques secondes quand on ne le regarde pas, et s'évader dans ses pensées, dans son imagination. Il s'imagine qu'il est chez lui, qu'il est à Budapest. De temps en temps, un certain nombre de questions viennent le saisir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour se retrouver là? Il a faim, notre Imre. Il a faim toujours. Il pense souvent à cette grande assiette qu'il a refusé de finir alors qu'il était encore à la maison, ou encore aux tartines de Saint-Doux agrémentées de paprika et de fines tranches d'oignon que lui préparait la voisine, Madame Fleischmann. Au camp, les rations se font de plus en plus minimes. Bientôt, il faut se contenter non pas d'un demi-pain, mais d'un tiers et puis d'un quart. Et les pensées du garçon vont se tourner vers une obsession, faire taire cet estomac qui crie famine et puis tâcher de garder espoir. Le tout, c'est de ne pas se laisser aller, écrira-t-il dans Être sans destin. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme me l'a enseigné Bandi Citrom. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur du destin d'un jeune homme de 14 ans devenu, une fois adulte, prix Nobel de littérature. C'est un Hongrois sur les traces de cet homme cet après-midi. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission et nous envoyer vos messages et vos questions jusqu'à 15h30 sur la page Facebook Au cœur de l'histoire et bien sûr sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous emmenez sur les pas d'Imre Kertész, un jeune homme hongrois de 14 ans, emprisonné à Buchenwald. Oui, il a fait croire qu'il en avait 16, mais pour l'instant il a 14 ans et son corps n'a plus rien de juvénile néanmoins. Sa peau, autrefois si lisse et bronzée, s'est fait ridée, jaune, desséchée. Elle se couvre d'abcès, de taches brunes, de gerçures. Et peu à peu, c'est l'envie de vivre de ce garçon qui commence à s'estomper. Et son ami, vous savez, Bandi Citrom, lui a appris à se méfier d'un certain nombre de détenus dont le regard s'est éteint. Ceux que l'envie de vivre a quittés, ces vieux à la aspect décharné, indifférent à leur sort, détaché d'eux-mêmes, comme délesté de la souffrance d'une certaine manière. Il suffit de les regarder pour perdre l'envie de vivre, lui a dit son copain. Et bientôt, même s'il s'en défend, lui-même, Imre, devient un de ces prisonniers proches de l'extinction et qui commence à devenir indifférent à la fatigue, à la douleur, enfin indifférent, à ne plus marquer en tout cas de réaction à la fatigue, à la douleur, au froid, au coup, même à la faim, tout simplement parce qu'ils ne sont plus certains de de les ressentir. Nous ne nous rendons plus compte de ce qui se passe autour de nous, écrit Imre Kertész. Nos nez coulent, nos yeux se brouillent de larmes, nous expulsons nos excréments sans hésiter en tout lieu, à tout moment. À l'homme sain, la mort arrive 2 ou 3 semaines plus tard. Elle ne fait pas de mal, au contraire, elle est douce, elle accomplit, elle un rêve à l'aube. Ce mort-vivant, en même temps, est devenu particulièrement irritable. Il suffit que quelqu'un le bouscule ou même l'effleure pour que ses yeux s'animent d'une terrible envie de tuer. Mieux vaut peut-être encore se laisser aller. Et son ami bandit tente de le prendre en charge, l'oblige à se laver. « Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est crever ici ?» lui demande-t-il. Imre ne réagit même pas. Son genou droit, à ce moment-là, s'est infecté. Il en ressent à peine la douleur. Et c'est Citrome qui va l'emmener à l'infirmerie. Le Krankenrefir, où un médecin va inciser le genou, indifférent au cri de douleur du garçon. On l'envoie ensuite à l'hôpital du camp, et là, autour de lui, il voit mourir les malades. Et la question se pose forcément, qu'est-ce qui va maintenir en vie ce jeune Imre Kertész alors que tout meurt autour de lui ? Eh bien, peut-être une intime rage de vivre, car au fond de sa personne, malgré l'épuisement, malgré cette sorte d'état second où il a sombré, vous l'aurez compris, le garçon le sent bien, il veut encore vivre. En moi brûlait encore, vacillante, certes comme en veilleuse, quelque chose, la flamme de la vie, comme on dit. Le 7 février 1945, notre jeune blessé est envoyé au camp principal de Buchenwald. On lui demande s'il a la diarrhée, il répond non. Heureusement, ça le sauve, parce que s'il avait dit oui, eh bien, il était envoyé aux « douches », entre guillemets. Et c'est grâce à un médecin français qu'il est transféré à l'hôpital SS dans une grande salle, la salle 6, où il a droit à un lit individuel, il a même droit à un édredon. Et pendant quelques semaines, il va reprendre des forces jusqu'à ce qu'en avril 1945, il entende, parce qu'il entend bien sûr la vie du camp, il entend les haut-parleurs, il entend les ordres qui sont criés, etc. Il se rend compte un jour qu'on ne parle plus aux détenus, mais aux soldats allemands. Et puis le silence, un grand, grand silence qui va s'achever par l'arrivée des libérateurs. Bonjour Agnès Wieworka, merci d'être avec nous. Nous allons dans un instant revenir sur le destin d'Imre Kertész et d'une façon plus générale parler de tous ces déportés et des infinis cas, parce qu'ils sont tous très différents. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi d'Imre Kertész, ce jeune Hongrois déporté et devenu prix Nobel de littérature, Franck. Oui, il a été donc libéré, enfin comme tous ceux qui se trouvaient à ce moment-là à Buchenwald. Donc lui, vous avez compris, il était à l'hôpital SS, donc il était à part. Il a été protégé par le chef de salle qui était un Polonais du nom de Pietka. Et donc il apprend qu'il est libre. Et quelques jours plus tard, les Américains ayant libéré le camp, il pourra partir à bord d'un camion américain. Et un soldat lui demande à plusieurs reprises s'il est bien sûr de vouloir rentrer à Budapest. « Qu'est-ce qui te reste là-bas ? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas » lui demande-t-il. Et lui veut rentrer, il veut retrouver son appartement, sa famille, etc. Il y a une anecdote terrible, c'est que sur le trajet du retour dans le tramway à Budapest, le contrôleur lui demande son ticket. Et comme il n'a pas de ticket, mais le contrôleur est absolument horrible. Il voit bien dans quel état est ce garçon et d'où il vient, mais la règle, c'est la règle. Vous savez. Bref, de retour chez lui, Imre croise donc les fameux voisins, monsieur et madame Fleischmann, qui lui disent que ses parents n'habitent plus là, que son père est mort dans les camps. Alors on lui propose un repas, bien entendu. Ils le nourrissent, c'est de bons vieillards. Et tout de suite, Imre comprend qu'ils n'ont pas du tout pris la mesure de l'enfer indescriptible dont il revient. Et d'ailleurs, Madame Fleischmann lui pose la question « Et alors, mon garçon, quels sont tes projets d'avenir ?» Et la réponse d'Imre est à la fois magnifique et terrible. « Continuer à vivre ma vie invivable », lui dit-il. C'est extraordinaire, sans doute, le décalage inouï qu'ont vécu les survivants de ces camps, Agnès Wieworka. Oui, parce que dans le fameux tramway dont vous venez de parler, oui. Il y a un homme qui s'indigne, qui lui paye son ticket et qui commence à bavarder avec lui. Et cet homme, c'est un journaliste qui souhaiterait que Imre Kertész écrive, ou plutôt que lui écrive sous sa dictée, et il lui donne son adresse, Et dès qu'il a disparu, il est prêt à se faire son interprète, voilà, en quelque sorte. Voilà. Et dès qu'il a disparu, il jette le papier avec le nom. Oui, il y a un décalage énorme dans la mesure où il n'arrive pas à faire comprendre ce qu'a été cet univers tout à fait particulier. Malgré la très bonne volonté, par exemple, du journaliste ou de Madame Fleischmann, qui lui sert le plat préféré, c'est-à-dire les tartines de Saint-Doux avec du paprika et des oignons. Donc, je crois que tous ceux qui ont survécu, qui sont une infime minorité en ce qui concerne les Juifs, ont vécu ce sentiment, d'abord, qu'on n'avait pas tellement envie d'entendre ce qu'ils avaient à dire. C'est Simone Veil qui a toujours dit, on voulait parler. Oui. Non, pas la philosophe, Madame Veil. Enfin, l'autre est aussi une Madame Veil, mais Madame Veil avec un V. Oui. La première présidente du Parlement européen est celle qui a défendu la loi dite Veil et qui a été aussi à Auschwitz. Et elle disait, on voulait parler, mais personne ne voulait nous écouter. Et même quand la personne veut écouter, ce qui est le cas de ce journaliste, il se rend compte qu'il n'arrive pas à trouver les mots pour rendre sensible ce qu'ils ont vécu. Et on peut dire que quelqu'un comme Kertész, mais aussi comme Primo Levi, aussi comme Elie Wiesel, qui venait de Hongrie, enfin pas de la même Hongrie, mais de Hongrie quand même, comme Kertész, et qui a suivi un itinéraire qui a quelques ressemblances, ont réussi à faire sentir quelque chose par leur talent d'écrivain, en devenant écrivain. Et dans le cas d'Imre Kertész, il va mettre très longtemps. Il commence à écrire son manuscrit en 1960 et il n'est prêt à le publier qu'à partir de 1973. Et ce qu'il découvre, c'est que dans le courant des années 1970, en plus dans la Hongrie communiste de l'époque, ce témoignage n'est pas bien venu du tout, en fait. Hein. Avec des décalages de temps, pratiquement tout le monde a eu la même expérience. Pas Wiesel. Hein. Quand Elie Wiesel publie La Nuit, c'est immédiatement un succès. Mais, enfin, au milieu des années 50. Mais Primo Levi, Si c'est un homme, est publié par une très petite maison d'édition italienne. Et puis il y a une inondation, donc les livres disparaissent. Il n'est traduit en français après le procès Eichmann, au début des années 60. Donc il y a eu comme une période, les psys diraient, une vingtaine d'années, de latence, plus, en fait, oui. Avant que le monde soit prêt à accueillir la parole ou les cris de ces survivants. On imagine aujourd'hui quel accueil les grands éditeurs feraient à Primo Levi ou à Imre Kertész. Évidemment, ça n'était pas le cas à cette époque. Oui, et puis j'aimerais qu'on cite aussi une femme, Charlotte Delbo, par exemple. Bien sûr. Voilà, qui, elle, écrit tout de suite et finalement range son manuscrit pour commencer à publier dans les années 70. On en a pas mal parlé à la fin de l'année dernière, voilà, puisqu'il y a eu cette très belle biographie de Guylaine Dunant qui a eu le prix Femina Essai. Oui, il faut le dire. Ouais. Alors, Imre Kertész va néanmoins publier en 1975 son récit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas, évidemment, c'est un récit assez distancié, puisqu'il a pris le temps d'y réfléchir et il a acquis entre-temps la conscience qu'il n'avait pas. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce jeune homme est parti très insouciant dans cette affaire terrible. Ce jeune homme a été quand même plongé dans une histoire proprement incroyable. Incroyable. Donc, incroyable, inouïe, et de quelque chose dont qui n'existait pas avant, dont on n'avait pas l'idée. Et ce que je trouve de remarquable dans ses écrits, qui sont quand même des écrits relativement tardifs, vous l'avez dit, c'est qu'il arrive à retrouver cet état de non-compréhension. C'est-à-dire qu'il écrit comme s'il n'avait rien entendu, rien lu. On découvre en même temps que lui. Voilà, on découvre en même temps de lui ce qu'il découvre. Et par exemple, l'épisode que vous racontez de ces deux hospitalisations, d'abord dans les chalets du petit camp, probablement du revire du petit camp, et puis ensuite de son transfert dans l'hôpital des SS, il ne comprend rien. C'est-à-dire qu'il arrive à nous faire sentir le fait qu'il est dans des situations qu'il ne comprend pas. Et ça, c'est un immense talent. C'est ce qu'on peut appeler un témoignage, un grand témoignage. C'est ce qu'on peut appeler un très grand témoignage, oui. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de la Shoah avec votre invitée Annette Wiewiorka, qui est historienne spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs au XXe siècle. Et elle a été conseillère historique sur le documentaire « Sauver Auschwitz » produit par Simone Harari pour Arte. Simone Harari-Beaulieu qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'être avec nous, Simone Harari-Beaulieu. Vous disiez que vous avez connu, vous, Imre Kertész, oui, personnellement. J'ai eu cette chance extraordinaire de rencontrer plusieurs fois Imre Kertész. Alors, sur la fin de sa vie, il avait déjà eu le prix Nobel. Quand j'ai fait sa connaissance, il était à Berlin, parce qu'on lui avait fait sentir à Budapest qu'il n'était pas tellement le bienvenu, malgré ce prix Nobel de littérature qu'il avait apporté à la Hongrie. Eh bien, lui-même d'ailleurs ne se l'expliquait pas, mais il s'était fait entendre, ben non, il n'était pas hongrois puisqu'il était juif. Ce qui est évidemment douloureux et l'était encore plus pour lui et sa femme qui était hongroise également. Ce qui frappait le plus, et je vois qu'il y a sur votre site la photo d'Imre Kertész, c'est qu'il avait ce visage lumineux, des yeux bleus, une expression très douce. Et il fallait vraiment avoir lu ses livres pour comprendre la douleur qu'il essayait de surmonter. Et l'autre chose, c'est que cet extraordinaire livre, Être sans destin, il se remet dans les émotions de ses 15 ans. Oui. Et on a l'impression que c'est un adolescent qui écrit, ça c'est certain. Vous avez raison, comme si c'était son journal. Mmh. Et il avait dans le bleu de son regard un peu de cette candeur qui était restée fraîche. C'est spectaculaire. Un beau témoignage sur le témoin. Il faut dire que la Hongrie a vécu une période invraisemblable, puisqu'à partir de 1935, il y a ce parti des croix fléchées qui vient complètement faire basculer la politique hongroise, alors que déjà le régent Horthy menait une politique extrêmement ferme, Annette Wiewiorka, mais en plus, à partir du début de l'occupation, on va voir Horthy protéger en quelque sorte les Juifs hongrois. C'est assez étrange comme situation, c'est très complexe. Vous avez noté qu'il y avait une situation particulière de la Hongrie vis-à-vis des Juifs, mais il y a aussi une attitude particulière des Juifs par rapport à la Hongrie. Oui, c'est vrai. Kertész change de nom, mais il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que les Juifs se sont considérés en Hongrie comme étant des véritables Magyars, et même les seuls véritables Hongrois. Et ils ont été, il y a eu, comme vous l'avez dit, un âge d'or, qui a été l'époque de la monarchie bicéphale, avant la Première Guerre mondiale et le traité de Trianon. Et puis à partir du traité de Trianon, c'est-à-dire à partir du redécoupage en nations de cette Europe impériale, c'est pas simplement la Hongrie, est né l'antisémitisme et cette idée que les Juifs n'étaient pas vraiment des Hongrois, comme ils se sentaient eux-mêmes. On n'en finira jamais de faire la liste des catastrophes induites par les traités de paix de 1919 et 1920, c'est vrai. Entre parenthèses. Mais enfin, peut-être aussi par le nationalisme débridé qui fait des catégories de qui est un vrai Hongrois et qui ne l'est pas. Qui est de souche. Qui est de souche et qui ne l'est pas. Exactement. Donc il y a de l'antisémitisme en Hongrie, il y a des lois antisémites, vous en avez énuméré quelques-unes, mais de façon très paradoxale, la population de la Hongrie augmente. D'abord parce que la Hongrie change un peu de frontière, elle est alliée avec l'Allemagne nazie, et parce qu'un certain nombre de Juifs de Pologne ou d'ailleurs se réfugient en Hongrie. C'est la question des Sudètes, enfin voilà. Et en Hongrie, un Juif peut vivre exactement comme l'adolescent Kertész se prépare à aller à son match de football, comme vous l'avez raconté. Et pour des raisons qui tiennent d'ailleurs principalement à la situation de la guerre et qui fait craindre à Hitler que son allié hongrois ne soit pas d'une fidélité à toute épreuve. D'une fiabilité parfaite. Voilà, 19 mars, c'est l'entrée des Allemands. 44, donc tard. 44, très tard. C'est l'entrée des Allemands et en même temps l'entrée du petit commando d'Adolf Eichmann et de ses hommes qui vont immédiatement organiser avec une rapidité comme s'ils n'attendaient que ça, absolument fulgurante. Voilà. très aidé non seulement par les Croix Fléchées qui termineront le travail quand qui sont les nazis locaux, si on peut dire, ouais, mais aussi aidé par la gendarmerie, par les forces de police hongroises qui mettent la main à la pâte avec beaucoup d'ardeur et de conviction. Et en 2 mois, les déportations sont prêtes. Le cas de Imkertész est un peu marginal. Ce sont des déportations massives, il faut dire. Ce sont des déportations massives, puisque en 7 semaines, 1,5 million de juifs hongrois vont être déportés, dont à peu près 4/5 immédiatement assassinés. Vous avez décrit l'arrivée de Kertész sur la rampe, le fait qu'il a été déclaré, je mets des guillemets, apte au travail, mais les autres, hommes, femmes, enfants, sont immédiatement, suivant l'expression utilisée par les déportés, envoyés au gaz. Et c'est pour l'arrivée des Hongrois que on tire cette voie ferrée. Quand on voit le camp de Birkenau, tout le monde a le camp de Birkenau dans la vision maintenant, on voit qu'il est partagé en deux par une voie ferrée et que les convois arrivent pratiquement jusqu'à la chambre à gaz. Or, ça n'a pas toujours été comme ça. Dans le film qu'a produit Simone Harari, vous verrez la fameuse Judenramp, le quai aux Juifs, qui est à l'extérieur du camp. Cette voie ferrée a été tirée pour l'arrivée de ces Hongrois. Et on considère finalement que sur à peu près un million de Juifs assassinés à Auschwitz, 1 sur 3 est hongrois. C'est extraordinaire. Alors je vais quand même rajouter juste un petit quelque chose. C'est que en même temps, on est très tard dans la guerre. Oui. Paris est déjà libéré. Paris est pas tout à fait libéré, mais les Américains ont déjà débarqué en Normandie. Si, hein, et la libération de l'Europe est en route. À l'ouest, grâce à nos alliés anglo-américains, mais à l'est aussi, grâce à l'armée rouge. Si bien que, pris en tenaille, le Reich, le Troisième Reich, ne peut plus faire marcher sa machine de guerre. Donc elle a besoin de main-d'œuvre, puisqu'elle ne peut plus rafler des travailleurs forcés en France, en Pologne, en Ukraine. Et à partir de ce moment-là, elle va décider d'épargner les jeunes juifs hongrois, puisque c'est son dernier réservoir de main-d'œuvre. En fait, mais voilà. Et il y a à la rampe, à Auschwitz, une ligne directe entre le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, qui a repris un peu de service, et Speer, qui est le responsable de la main-d'œuvre, pour sélectionner, je mets toujours des guillemets, des jeunes Hongrois, exactement comme Kertész, qui ne reste pas. Il ne reste pas à Auschwitz, il part pour Buchenwald. Mais qui part pour Buchenwald et qui, immédiatement de Buchenwald, est envoyé dans ce qu'on appelle des commandos, qui sont en fait des unités de travail, une usine, une mine. Alors justement, si vous voulez bien, on va revenir dans un instant sur la distinction entre ces deux types de camps. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de la Shoah cet après-midi avec vos invités. Annette Wieworka, qui est historienne, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs au XXe siècle. Elle a notamment publié Auschwitz 60 ans après, paru chez Lafon. Et puis Simone Harari-Beaulieu, qui est productrice du documentaire Sauver Auschwitz, que vous pourrez voir mardi soir à 22h40 sur Arte. Alors, nous avons vu que notre Imre Kertész n'a passé que 4 jours à Auschwitz, pour les raisons que vous avez expliquées. Il est envoyé comme main-d'œuvre à Buchenwald. Il n'y a pas beaucoup de juifs, évidemment, à Buchenwald, étant donné ce que vous nous expliquiez. Ils étaient très minoritaires, en fait. En vérité, à partir de 1942, il n'y a théoriquement plus de juifs tout à Buchenwald. Et les juifs vont commencer à revenir à Buchenwald au moment où on commence à évacuer les camps d'Auschwitz, c'est-à-dire à partir d'août 1944 et surtout de janvier 1945. Alors qui est détenu à Buchenwald? Alors Buchenwald, c'est un des camps du système concentrationnaire nazi. Le premier d'entre eux qui a été ouvert dès la prise du pouvoir par Hitler était le camp de Dachau. Et Buchenwald a été ouvert en 1937. Il a été ouvert pour interner les opposants réels ou supposés au régime nazi, c'est-à-dire d'abord les socialistes, les communistes, certaines catégories de catholiques, et puis aussi des déviants, soit des déviants sociaux comme les des asociaux comme les tziganes par exemple, soit des homosexuels. Ce n'est pas un camp pour juifs. Et il faut bien comprendre que l'idée qui préside à ces camps de concentration, c'est l'idée qu'on va mettre au pas les Allemands, qu'on va les rendre conformes au nazisme, qu'on va les rééduquer. Et que s'ils sont rééduqués, ils peuvent sortir. Toujours la vieille idée totalitaire de la rééducation. La vieille idée totalitaire. Et s'ils sont rééduqués, si par exemple, il y a aussi beaucoup de témoins de Jéhovah, si le témoin de Jéhovah accepte de faire le salut hitlérien, c'est-à-dire de se prosterner devant Hitler alors qu'il n'est censé ne le faire que devant Dieu, et qu'il absout, et qu'il devient un apostat, il sort. La situation de ces camps va un peu changer avec la guerre, puisque à partir de surtout 41, ces camps vont se gonfler d'une population de déportés de toute l'Europe occupée, des résistants, mais aussi des otages ou des droits communs. Donc ça, Brunwald, c'est un camp de concentration. C'est un camp de concentration. On peut citer d'autres noms, bien sûr. Alors pour les femmes, Ravensbrück, Mauthausen, où meurt le père de Kertész, Orianenburg, enfin on peut en citer un certain nombre. Et puis il y a les camps d'extermination, dont fait partie Auschwitz. Alors, Kertész dit non, il n'y avait pas de chambre à gaz à Buchenwald, puisque quelqu'un l'interroge et insiste beaucoup. Les chambres à gaz sont à Birkenau. Auschwitz-Birkenau, c'est très compliqué, parce que c'est tout à la fois. C'est-à-dire, c'est à la fois un camp de concentration, ouvert en 40 pour les Polonais, mais c'est aussi un camp de travail, si je puis m'exprimer ainsi. Par exemple, vous avez évoqué Primo Levi. Primo Levi travaillait à la construction de la grande usine de Ligue Farben, dite la Buna, à Monowitz. Et c'est aussi ce que l'historien Raoul Hilberg appelle un centre de mise à mort. Qu'est-ce que c'est un centre de mise à mort? C'est ce que décrit Kertész. Vous avez un terminal ferroviaire, les gens sont amenés en train au bout de ce terminal, uniquement pour être assassinés. À Auschwitz, c'est dans des installations très... enfin, à partir de 1943, 42, c'est des installations très frustes, deux maisons de paysans transformées en chambres à gaz. À partir de 43, ce sont des grandes installations intégrées, chambres à gaz et crématoires. Ça, ce sont des centres de mise à mort qui n'ont d'autre fonction que d'amener des gens pour qu'ils y soient assassinés. Ces camps sont libérés donc par la plupart par les Américains, mais les Soviétiques aussi, l'armée rouge arrive de son côté. La soirée Théma d'Arte, où sera diffusé le film produit par Simon Harari, c'est une soirée dans le cadre de la commémoration de l'ouverture des camps d'Auschwitz par l'armée rouge. Par l'armée rouge qui arrive, parce que là, Auschwitz, on est très à l'est. Voilà, seulement, quand l'armée rouge entre dans ces camps, parce qu'ils sont plusieurs d'Auschwitz, il reste 7000 détenus. 1 million d'assassinés, 140 000 détenus en août 44, encore 70 000 en janvier avant ces terribles évacuations, et 7 000. Ça veut dire que les gens que nous connaissons, on a évoqué Simone Veil, elle sera libérée à Bergen-Belsen, vos auditeurs connaissent probablement Marceline, Laurie Dan Evans, elle est libérée à Térésine, et puis Kertész, ou Wiesel d'ailleurs, parce qu'on n'a pas eu de Wiesel, à Buchenwald. Ça veut dire que cette date qui est symbolique ne correspond pas à une réalité pour la majorité des survivants. Alors nous allons, si je puis dire, et par la pensée, nous rendre à Auschwitz dans quelques instants. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Histoire. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une balade très agréable, mais c'est une balade au cœur de l'histoire aujourd'hui que vous nous proposez, Franck Ferrand, puisque nous allons redécouvrir et nous poser la question sur le patrimoine d'Auschwitz et de la Shoah avec vos deux invités. À vos côtés, Annette Wieworka, qui est historienne, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs au XXe siècle, et Simone Harari-Beaulieu, productrice du documentaire Sauver Auschwitz, diffusé sur Arte mardi soir à 22h40. Vous pouvez continuer à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Je vous cite le message d'Eugénie qui, à mon avis, résume à peu près toutes les problématiques dont nous allons parler dans la demi-heure qui vient. Je me suis rendu à Auschwitz cet été, nous dit Eugénie. C'était la tombée de la nuit. Même au cœur de l'été, un sentiment glacial vous parcourt. Ce ne sont pas tant les lieux en eux-mêmes que les témoignages de souffrance qu'ils portent qui m'ont ému. Question de la mémoire, question du patrimoine, question du tourisme aussi, disons-le. Qu'est-ce qui vous a amené à faire, à produire ce documentaire Sauver Auschwitz, Simone Harari-Beaulieu? Je veux dire que pour moi, ça a été une surprise émotionnelle d'entendre un de ces rares rescapés. En l'occurrence, il s'agissait de M. Esraïl, qui est rapidement aperçu dans le film, et qui, avec beaucoup de tristesse et d'accablement, expliquait que, naturellement, ils sont de moins en moins de survivants à être dans une... D'abord, objectivement, ils meurent les uns bien sûr après les autres. Ce sont des personnes très âgées qui, en plus, ont eu une épreuve physique dramatique dans leur enfance. Et que, régulièrement, ils vont, les uns et les autres, faire des visites de scolaires. Ça, ce sont les rares survivants qui sont encore là, en fait. Ils sont encore vivants, absolument. Et que... Voilà, ils ont l'inquiétude de savoir qui, dans quelques années, pourra conduire, expliquer, c'est ici que... Et qu'ils ont, ils avaient donc proposé une première formule, comme il y a dans beaucoup de visites de musées, n'est-ce pas, de casques audio où les gens pouvaient entendre leurs souvenirs. Ça avait été refusé par le musée. Dans un second temps, dans un deuxième temps plutôt, ils avaient proposé des petites plaques où on pouvait lire ce qui s'est passé. Le musée a refusé. Et le jour où j'ai rencontré ce monsieur, il venait d'apprendre que la troisième formule qu'ils avaient proposé de faire des QR codes, qui étaient donc de ce point de vue moins invasifs. Mais que qu'est-ce que c'est, les QR codes qu'on peut qui permettent, en visant avec son téléphone portable, de lire... Des petites icônes, en fait, qui sont reconnaissables par les téléphones portables. Et qui permettent donc de lire seulement si on souhaite le lire, et ça avait également été refusé par le musée. Et donc, l'idée que... Alors, ça, c'est une chose qu'ensuite, en faisant le film, on a bien comprise. Comme ce musée a été totalement créé par l'État de Pologne après la guerre pour maîtriser à la fois la sécurité des lieux, bien sûr, mais aussi le storytelling, la décision a été prise à l'époque communiste de ne reconnaître que les nationalités. Et donc, on respecte la mémoire des Français, des Autrichiens, d'Allemands, de Hongrois. Mais sans préciser leur religion, oui, voilà, c'est ça. Le mot juif ne figure nulle part. Quelle est la proportion des victimes d'Auschwitz qui étaient juives, Annette Wieworka? Les morts d'Auschwitz-Birkenau sont en quasi-totalité des juifs. Il y a environ 70 000, ce qui n'est pas peu, prisonniers politiques polonais qui ont trouvé la mort à Auschwitz. 6 000 tziganes, ils ont été plus nombreux à être internés à Auschwitz, mais qui sont morts. Et sur les 1 100 000, pour être aussi précis qu'on peut l'être, il n'est pas sûr qu'on atteigne un jour une précision, au moins 1 000 000 sont juifs. Alors, et les seuls enfants assassinés à Auschwitz sont des enfants juifs et des enfants de tziganes. Aussitôt après la libération des camps, ils sont restés un peu vacants pendant un moment. Et ils ont été la proie, là, de personnes qui venaient chercher, qui venaient des fouilleurs, en fait. En effet, il y a eu des chercheurs d'or. Les chercheurs d'or, c'est terrible. Un humour, évidemment, macabre. Richard Prasquier raconte dans le documentaire que le fantasme attaché aux juifs et que, comme les gens savaient que des juifs avaient été tués, tout d'un coup, ils se disaient « Ah, s'il y avait des juifs, c'est qu'il y avait de l'or ». On sait bien que tous ces gens avaient été dépouillés depuis le début. Et en effet, dans l'immédiate après-guerre, il y a une espèce de no man's land, parce que, comme le rappelait Annette, ces lieux sont extrêmement vastes. Les Allemands ont à peu près tout détruit, sentant les troupes soviétiques avancer à Auschwitz. Les bâtiments de Birkenau étaient, eux, encore debout. Eh bien, dans l'immédiate période qui a suivi la libération, ces maisons ont été détruites parce que les gens prenaient le bois pour se chauffer eux-mêmes ou pour rafistoler leur propre maison. J'espère que tout le monde a bien compris, notamment nos plus jeunes auditeurs, que lorsqu'on parle d'Auschwitz, nous sommes bien en Pologne. C'était évidemment un camp d'extermination nazi, mais on est aujourd'hui en Pologne. En 1947, vous allez avoir un procès par le gouvernement polonais. Il a le droit de dire, il n'a pas dit le camp polonais d'Auschwitz. Non, dire le camp polonais d'Auschwitz, voilà. C'est pénal. Mais physiquement en Pologne, oui, ça c'est incontestable. Vous avez le droit de dire le mais camp nazi en Pologne. Pendant la guerre était annexé à l'Allemagne. Exactement, bien sûr, oui. Et en 1947, lorsque le gouvernement polonais commence à créer un lieu de mémoire, il y a plusieurs possibilités. Ce que l'on peut faire dans un cas comme celui-là, et ça ne concerne pas seulement les camps, ça peut concerner tous les lieux de mémoire, je pense aux champs de bataille, je pense à bien des événements historiques, vous avez la possibilité de faire soit un lieu de commémoration, avec des monuments tout simplement, soit un lieu muséal, avec ce qu'on appelle aujourd'hui des centres d'interprétation, soit un lieu qui maintient en l'état les installations, pour donner une idée de ce que c'était. Eh bien, nous allons voir quels choix ont été faits et comment tout ça a pu évoluer. Europe 1, au cœur de l'histoire. Prix. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. J'ai connu les chaînes, j'ai connu les plaies, j'ai connu la haine, j'ai connu le fouet, j'ai connu l'injure, la soif et la faim. J'ai connu la dure peur du lendemain. J'ai connu la tombe, les membres brisés. J'ai connu la honte de ma nudité. J'ai connu les vagues des hordes en pleurs. J'ai connu la schlague, j'ai connu la peur. Charles Aznavour, j'ai connu sur Europe 1 pour cette émission cet après-midi consacrée à l'histoire de la Shoah avec vos invités. Franck, vous recevez Annette Wieworka, historienne spécialiste de la Shoah, et Simone Harari-Beaulieu, productrice du documentaire Sauver Auschwitz, diffusé mardi soir à partir de 22h40 sur Arte. J'ai entre les mains un petit livre très fort qui est signé François Zimret, publié chez Plon. François Zimret a été nommé en 2008 ambassadeur de France pour les droits de l'homme. Vous savez, il s'est promené sur la planète, il a vu des choses absolument effrayante qu'il nous raconte dans ce livre intitulé « J'ai vu partout le même visage ». C'est un ambassadeur face à la barbarie du monde, si vous voulez. Et François Zimret se pose la question d'Auschwitz dans ce livre. « Nous vivons le temps de bascule, dit-il, où les témoins directs de la Shoah auront bientôt tous disparu, laissant aux vivants la responsabilité d'en perpétuer le récit et, s'ils le peuvent, la trace du souvenir. Saurons-nous résister aux forces de l'oubli, à tout ce qui, en nous-mêmes comme au-delà, dehors réfute cette transmission, pourrons-nous convaincre que la Shoah n'est pas l'affaire des seuls juifs mais de l'humanité, qu'elle nous renseigne sur ce dont elle est capable et en même temps relier ce drame aux autres crimes de masse, le Rwanda, le Cambodge, la Bosnie, le Darfour, etc. Et François Zimret raconte une visite officielle qu'il a faite à l'occasion d'un anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et qui lui a laissé un souvenir saumâtre. À Auschwitz, dit-il, certains se photographient à tour de rôle devant le portail, visites, discours, prières, chandelles et couronnes. La nuit tombe sur ces hectares de froid quand nous rentrons et dans l'autocar, c'est un vaste silence, presque toute la délégation dort. Et il ajoute sur la Judenrampe, donc sur ce quai de débarquement et de sélection dont nous parlons depuis le début de l'émission, je n'ai croisé aucune ombre. Tout dans la journée s'est interposé, les conversations, le froid, le programme minuté et même les explications du guide. C'est quand même toute l'ambivalence de ces lieux de mémoire, Annette Wieworka. C'est que, évidemment, il ne saurait être question, même en allant sur place à Auschwitz, de pouvoir ne serait-ce qu'imaginer l'immense souffrance de tous ceux qui ont disparu. Absolument. Ici. Mais le film produit par Simone Harari et réalisé par Jonathan Ayoun, vous avez fait un travail d'archives extraordinaire. Et moi, je croyais que ce que décrit François Zimret, c'était une novation du tourisme de masse. Mais pas du tout. Parce que ça a toujours été. Donc dans le film, on voit des femmes qui se remaquillent, on voit des gens qui mangent, on voit des gens qui se photographient, et ce dès les années 50. Donc il y a un problème de ces lieux qui sont des lieux de mort quand ils sont investis par des vivants qui ne sont pas concernés directement par ceux qui sont morts. Et je crois que l'angoisse qu'on a de cette disparition des derniers témoins qui sont les derniers à avoir pu raconter, c'est en fait une angoisse du temps qui passe, parce que ce ne sont pas les hommes sont les hommes, hein. Ils ont vécu jusqu'à 86 ans comme Kertész, jusqu'à plus de 90 ans comme Raphaël Esrhal, dont Simone parlait tout à l'heure. Mais ça veut dire aussi que nous, on vieillit. Et qu'il y a désormais 3 ou 4 générations qui séparent de cette période-là. Et que les enfants, les jeunes, ceux qui sont à l'école, hein, ceux qui sont au collège, un enfant de 3e maintenant a généralement des grands-parents qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Donc la transmission orale, naturelle en fait, la communication parfois de petits détails, elle va être terminée. Et on va être plus que dans une transmission culturelle, intellectuelle, par un certain nombre de vecteurs, les lieux, les films, livres, et c'est ça qui change. Peut-être, oui, Simone Rary-Beaulieu. Il y a d'une part un cimetière, qui peut être respecté ou pas, et ce qui apparaît de façon terrible dans le film et dans les interviews réalisées, notamment par les maires des deux villes concernées, Svietzim et Bjeginka, c'est à quel point ils sont dans une sorte de déni du caractère extraordinaire de ce qui s'est produit là, extraordinaire au sens où ce n'est pas ordinaire. Et d'autre part, il y a la question de la transmission, sur lequel, comme le dit Annette, la voie directe n'ira plus. Mais enfin, il y a aussi la question de la préservation qui est différente du cimetière et différente de la transmission. Et là, l'UNESCO a pourtant pris des mesures assez radicales. Il y a l'UNESCO, la zone de silence, notamment. Il faut expliquer ça à nos auditeurs. Qui peut décider que son patrimoine de l'humanité, à la fois des sites naturels, un grand canyon, des sites architecturaux, je pense et à Angkor, des sites de mémoire. Mais aussi des sites de mémoire. Voilà. Et donc, l'UNESCO protège Auschwitz et en l'ayant labellisé patrimoine de l'humanité. Et quand on est patrimoine de l'humanité, ça veut dire que les autocars peuvent pas aller jusqu'ici ou là, qu'on peut pas ouvrir un McDo au milieu. Il y a des règles. Oui. Voilà. Il y a des règles destinées à la préservation, à l'intégrité du lieu. Et la difficulté, dans le cas présent, est que, pour des raisons politiques, la transmission se fait mal. C'est une chose. Mais la préservation est mise en danger par le mouvement de la vie de ces villes. Parce qu'il y a, il faut dire qu'il y a des gens qui vivent là tout près. Il y a des gens qui vivaient là et on a déclaré ZUP, ZEP ou je sais pas quoi, enfin zone à urbaniser, toute la partie en gros du premier bunker, et on voit dans le film des gens, alors certains un peu gênés, dire bah oui, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas l'argent pour aller ailleurs, mais d'autres dire ah bah écoutez, là il y a le toboggan de mes enfants et la balançoire de ma fille, vous croyez quand même pas. Et d'ailleurs je trouve que tout s'écart avec les visites, ça nous embarrasse beaucoup, alors on va couper la place. Il y avait un projet d'un grand supermarché et d'une boîte de nuit, parce qu'après tout c'est un endroit calme où entre guillemets ça ne dérange personne. L'UNESCO a dit, non, attendez, il y a beaucoup de choses qu'on a laissé passer, mais non, le supermarché, la boîte de nuit, ça faisait beaucoup. Eh bien, on voit dans le film une manif, dans les années 70, des habitants de ces deux villes, disant, mais attendez, Svietzim, c'est pas Auschwitz. Vous voyez, Bjeginka, c'est pas Birkenau. Ce sont des villes qui existent depuis près de 1000 ans, ça c'est vrai. Et le maire de Birkenau, Bjeginka, va jusqu'à dire, vous savez, Hitler était là 4 ans. La ville existe depuis plus de 800 ans. Alors ces 4 ans, c'est quoi? C'est un battement de cils. Ce n'est pas plus qu'un battement de cils. Comme si c'était que une période d'un temps linéaire. Alors en oubliant l'importance historique considérable. 1 million de gens morts enfouis sous leurs pieds. Enfin, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'ils aient une responsabilité. Et donc il se trouve que la directrice du patrimoine de l'UNESCO est une Allemande. femme fort sympathique, enfin très genre Madame Merkel, on voit une femme qui a beaucoup d'autorité, et qui m'a raconté y être allée, leur expliquer que le label de l'UNESCO avait quelques contreparties et quelques contraintes, et elle leur a, m'a dit, je leur ai dit, je suis allemande, c'est nous qui avons fait ces crimes, respectez au moins les morts. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1, édition. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et dans cette demi-heure jusqu'à 15h30 consacrée au patrimoine sur Europe 1, vous vous posez cette question, Franck. Que faire d'Auschwitz, des lieux de commémoration, de musées, des lieux pour les touristes? Des questions que vous posez à vos invités, Annette Wieworka et Simone Harari-Beaulieu. Et oui, Simone Harari-Beaulieu qui est productrice donc de ce beau documentaire qui va être diffusé à 22h40 mardi. Sur Arte. Je dis à 22h40, c'est toute une soirée théma sur la libération des camps à l'occasion de la Journée internationale de la mémoire des victimes de l'Holocauste. Dès 20h50, vous avez un documentaire sur Beate et Serge Klarsfeld, Le combat d'une vie. À 21h45, un autre documentaire, Sauvé par des justes, sujet tout à fait extraordinaire, dont nous avons souvent eu l'occasion de parler ici. Et puis donc, Sauvé Auschwitz, 22h40, et des images de la libération des camps à 23h30, en attendant un documentaire de Nathalie Assouline-Terribilo, assez étonnant, sur Moshe, victime et meurtrier. Mais alors ça, c'est tard dans la nuit, à 0h50. Pourquoi Sauvé Auschwitz? Est-ce qu'on peut dire, Simone Harari-Beaulieu, lieu que, à l'issue de toute l'enquête qui a été menée, Auschwitz est en danger? Je crois que c'est la bonne expression, Auschwitz est en danger. Le titre du documentaire, c'est « Sauver Auschwitz, point d'interrogation ». Ce point d'interrogation montre qu'il y en est fait une question, qu'il y a des dangers bien sûr matériels qui sont ceux du temps, le danger de la modernité avec les selfies, les pizzas, les touristes, les parkings et tout ce qui fait un lieu de visite moderne, puisque celui-là est un des plus visités d'Europe et le plus visité de la Pologne. Aussi curieux que ça puisse paraître. Danger aussi parce que la vie, on l'a dit tout à l'heure, reprend le dessus et que les habitants n'ont pas le sentiment de vivre sur un cimetière, estiment qu'ils ont le droit à une vie normale et que la délimitation entre ce qui est normal et ce qui est le camp lui-même, a été faite en 47, voilà, dans un périmètre qui n'a pas été remis en question. Il s'avère que parmi les endroits les plus sacrés, c'est-à-dire ceux où il y a eu des morts dans des conditions les plus atroces, ne sont pas exactement dans le périmètre du camp. Et, voilà. Et donc il y a aussi des arguties de juristes et c'est assez difficile d'expliquer qu'il faut être à 10 km de là. Il y a la partie muséale, si l'on peut dire. Hein. C'est la partie délimitée musée, voilà. Qui est celle qui est visitée, Auschwitz 1, où il y a marqué Arbeit macht frei, et celle où ils sont stockés. Alors évidemment, des choses qui sont bouleversantes, comme les cheveux des femmes, comme les valises, comme les vêtements d'enfants, comme les lunettes. Et oui, pour 1 million de morts, vous devinez l'amoncellement de tous ces objets personnels. C'est évidemment bouleversant. Et il y a dans le film un très beau témoignage, toujours très bouleversant, le père des bois, qui lui dit, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on admire plus les rails? Pourquoi est-ce qu'on vient respecter des vitrines? Alors que c'est le cimetière où il faudrait qu'il y ait les noms des gens. Qu'est-ce que moi, en tant que religieux, dit-il, attendez, les rails, ça n'a jamais tué personne. Annette Wieworka. Oui, je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a deux parties. Il y a Auschwitz 1 qui a été le camp de concentration et qui est un musée où on voit ses vitrines, et Birkenau. Donc il y a eu un périmètre, Auschwitz 2, il y a eu un périmètre qui a été tracé, qui est le périmètre du musée qui englobe Birkenau. Et ce qu'explique Simone, c'est que des lieux très importants, qui ont d'ailleurs été redécouverts, et on voit cette redécouverte dans le film, sont à l'extérieur. Mais on n'est que dans des contradictions. Depuis une dizaine d'années, le nombre de visiteurs à Auschwitz flambe littéralement. 2 millions de visiteurs par an. Ce qui n'est pas sans poser aussi des voilà. Gros problèmes. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 millions de personnes? Il faut les emmener en car, qu'ils puissent aller aux toilettes, il faut qu'ils puissent se restaurer, il faut même qu'il y ait une aire d'hélicoptère pour pouvoir emmené à l'hôpital, celui qui est à Auschwitz, a une crise cardiaque. Donc on est, c'est le lieu de toutes les contradictions, et je crois que pour moi, un des grands mérites de ce film, c'est de laisser les questions ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a un point d'interrogation dans le titre, mais il y a aussi des points de vue qui sont un peu différents les uns des autres. Merci beaucoup à vous deux. Ce film de Jonathan Ayoun, Sauver Auschwitz, sera donc diffusé sur Arte ce mardi à 22h40.